forcé, t'as forcé. Vu qu'ici ça se corse sans rire. Et je prends mon mort dans leur série. Forcé, croire qu'au sang, gagne. Ça fait un bail que les anges sont morts. Peut-être coriace, c'est la gloire ou rien. Rien ne vaut d'être un vaurien. Je suis dévot au blaireau. Et à travers la brume, il s'avère que ces taureaux ne sont que des veaux. Dans la peau d'un plouc ou d'un blaireau, ça semble pas. Plaire, c'est tout ce que j'aime. Et j'aime car tu as un bâton dans les gènes. Mon crew fonctionne à coup de bâton dans les roues. J'veux la place en première classe. J'ai la race, on démarrage en première. Qui teste mon appétit sera fait comme un rat en effet. C'est dans l'esprit qu'on voit la petite tête, petit star. Je brille comme le soleil, c'est bas qu'on sommet. Mon nez où on est malène, deck mec, mon index dress indique la fraîche. Chant des loups, la gloire de mon glaire. Rouge sur mon glaive, c'est la guerre, garou, merde. À la Javert, voir sa mère domestique. Dans l'envie de domaine dominé, domicile. Mon pied posé sur la Belgique, écrasé ce moustique. Mes skins, mes rois. T'as deux MJ, tu dis quoi? Mon axe de vie, c'est Malax, c'est Marias. Vendre des mots durs sous mélodie, sous cellophane. Cellphone, Bentley, ça le prix que ça le fait. Calvaire, et ouais. Ma mère a peur qu'au pire des caca de part mal. Les pommes maïs, c'est SOSO et JS. Bientôt pépito, plutôt faux ma espèce. Rayonner le rêve, vont nous rayonner. Réveillonner le 31, une joie chagrinée. O-R-I-O-N, né ici mais originaire d'une des banlieues de la terre. Issu des désenchantés, tel Mylène Farmer. La peine m'en a fait son chantré. J'ai mis la haine farm me, le chambré tout ce qui nuit. Mais je ne suis qu'une fourmi parmi tant d'autres. Tant et un, tant sans plus intentionnel. C'est vrai, à nous seuls livrés. Seule une place peut nous délivrer. Enivré de rien dans ce Sahara. Emporté par le vent, Scarlett O'Hara. Mon aura aura ses raisons. Avec un oracle j'apporte cette nouvelle saison. Je veux pas finir dans la peau d'un clou. Mat mes babous, ma bouche, ma jette. Je veux pas finir dans la peau d'un clou. Le jardin d'Adès enfanté les fruits de l'époque. Je veux pas finir dans la peau d'un clou. Ça m'engage, tout le monde est en l'air. Je veux pas finir dans la peau d'un clou. La gloire ou rien, pas les miennes. Négro par attitude, souvent soumis à l'arbitraire. C'est une habitude dans notre habitat. Le bitume, on dit titan, pourtant vivant sous le tic-tac de l'État. Le maton, cache doré, cacheur et femme. Ben 600, baisse tout le temps. Réussite, ta femme enfant. Métro, boulot, dodo, samedi, repos pour mes nécros. C'est l'échec, dans les tours, peu de droits et de reine. Les pions font la gaffe et les fous font cavalier seul. Dose scarifiée par le jus de l'oppresseur. 400 ans déjà et toujours la même pression. XTC, THC, THLB, BA, pas de BA. Oh mon dieu, la gloire ou rien. T'es noir, t'es rien, tous t'es rien. Chez nous on est tous. J'ai commencé ma vie à bord d'un train sans ticket. J'avais pas le sourire niqué, enfant mal éduqué. Rick le voyageur a couru de sol en sol. Et aujourd'hui dans la musique je cours de sol en l'acido. Et c'est aussitôt que j'ai commencé à écrire. Ouais aussitôt, commencé à décrire. Système veut réduire à néant. Je trois le sale rôle dans mes méandres. Je ressens cette haine ici assise sur mon séant. Et c'est en 2001 qu'on débarque comme des spalassins. Range les quêtes à cache, ta mon scud mais pas d'enceinte. Comme tous mes gars je rêve d'avoir une belle vie. D'avoir une belle fille et chez moi une belle vue. Ma conscience voudrait que lui rapporte du genre. Mon inconscience me laisserait bien finir tôt là. Parce que j'aurais braqué, attrapé sur un gros coup. Pour finir en zozo avec un gros coup. Depuis les cris et le douleur de l'enfantement de ma mère, merde. Depuis mes pleurs avant de claquer, je serai la tête et pas la queue. Je me suis juré car je m'appelle Aké. Là, ici c'est cramé contre mes cras. Y'a trop de putes alors je viens jouer les macros. Laisse-moi consumer mes grammes, négro. C'est soleil nocturne, enfonce-toi ça dans le crâne. Y'a le chrome et le chromie, ici on promet le coma. Et des dommages dans l'estomac. On a la trique dans nos frocs et les BD on le traque. Tu fliques, y'en a bap dans la drogue. Mais aussitôt les embrouilles et aussi trop de flics criant. Et les groupies criant le nom de ma clique. Nique le monde, j'suis le fils à l'Afrique. Ce môme, niquant le monde frère, c'était écrit. Je veux pas finir dans la peau d'un clou. Mat mes babous, ma bouche, ma jette. Je veux pas finir dans la peau d'un clou. Le jardin d'Adès enfanté les fruits de l'époque. Je veux pas finir dans la peau d'un clou. Ça m'engage, tout le monde est en l'air. Je veux pas finir dans la peau d'un clou. La gloire ou rien, pas les miettes, je veux pas finir.